Chapitre 31e. Plusieurs jours se passèrent. Le tableau de Jacques Henriot souleva dans la presse un long cri d'admiration. La critique fut au contraire impitoyable pour Morincourt. Sauf deux ou trois feuilles infimes où le parti pris de camaraderie se laissait trop voir pour ne pas enlever toute valeur aux éloges. On pense bien que l'humeur déjà passablement rogue du vicomte ne fut pas adoucie par ce nouvel échec. Ce qui l'exaspérait plus encore que son propre insuccès, c'était le triomphe d'Henriot. Il éclatait à tout moment en récriminations puériles contre le public, contre les critiques d'art, et accusait tout le monde excepté lui-même. André le laissait aller sans daigner même lui répondre. Roger n'eût pas été fâché pourtant, c'est là un sentiment très conjugal, de trouver un prétexte à invectiver sa femme, à l'accuser de pactiser avec ses ennemis, comme il l'avait fait après la chute de son drame. Mais soit que la vicomtesse fût instruite par l'expérience de la scène violente qu'elle avait essuyée au retour de l'Odéon, soit plutôt que le dédain domina désormais en elle tout autre sentiment à l'égard de son mari, André ne lui fournissait point l'occasion que chercher son dépit et se renfermait obstinément dans un silence gros de pensée. Pendant 3 semaines, elle attendit la visite de Jacques. Elle jugeait impossible qu'il ne vînt pas, et chaque soir, lorsqu'elle se mettait à table en face de son mari, sans le regarder, « Allons, » se disait-elle avec un soupir, « ce n'est pas pour aujourd'hui encore, ce sera sans doute pour demain. » Ce qu'elle attendait de cette visite, la jeune femme ne le savait pas, et eût été bien embarrassée de le dire si quelqu'un, d'aventure, le lui avait demandé. Quoi qu'il en soit, cette pensée de revoir Jacques était alors le grand intérêt de sa vie. Elle se sentait devenir plus sentimentale que par le passé. « Je n'ai pas un ami, pas une amie, » se disait-elle parfois. « Mon mari n'est plus qu'un étranger pour moi, en supposant qu'il ait jamais été autre chose. Je suis seule et je m'ennuie. » C'est affaire au mari de s'aviser que leur femme s'ennuie et de savoir que ce symptôme est de ceux dont les parties intéressées doivent tenir le plus grand compte dans un ménage, sous peine, pour l'une d'elles au moins, quand ce n'est pas pour les deux, d'avoir à s'en repentir. Mais le vicomte ne voyait rien, par la raison qu'il professait pour les femmes, y compris la sienne, ce lourd dédain des hommes à bonne fortune, ne s'était jamais donné la peine de les étudier, et ne soupçonnait guère les orages que peut cacher leur silence. Il avait renoué connaissance avec ses anciens amis du quartier latin, recevait de temps en temps la visite d'hommes à longs cheveux et à chapeau mou, qui sentaient la pipe et crachaient dans les coins. Peu à peu, pour se consoler de ses déboires, il prit l'habitude d'aller faire un tour là-bas au Fleurus, ou plus près au Ramor, avec les vieux. Ce n'était pas là qu'on doutait de lui, surtout quand un nombre respectable de bocs vides s'alignait sur la table. Pas là non plus qu'on affectait de ne pas écouter quand il parlait de la décadence de l'art. Ah, les braves copains, comme il les aimait, eux qu'il comprenait si bien, lui le poète et le peintre incompris. Aussi ne leur cachait-il pas qu'il regrettait un peu de s'être embourgeoisé. Pendant ce temps-là, André, assise dans son oratoire sur sa chaise sculptée, demandait en vain à la lecture, au dessin ou à la musique un remède contre le désœuvrement et commençait à maudire l'ambition qu'il avait eue de devenir vicomtesse. Un jour que Roger avait été particulièrement brutal, presque grossier avec elle à déjeuner, la jeune femme mit son chapeau à la hâte, sortit précipitamment de l'hôtel et montant dans la première voiture qu'elle rencontra, se fit conduire rue du Val-de-Grâce où elle savait que demeurait Henriot. Elle gravit d'un trait les 5 étages et sonna sans même se donner le temps de réfléchir à ce qu'elle venait de faire, ni de préparer ce qu'elle allait dire. La porte s'ouvrit d'elle-même. Un cordon qui aboutissait à l'atelier de Jacques lui permettait d'ouvrir sans se déranger et le dispensait d'avoir d'autres domestiques que la concierge, qui faisait le matin son ménage. André se trouva dans une antichambre petite mais arrangée avec beaucoup de goût. La voix de Jacques cria de la pièce voisine. « Qui est là ?» Elle ne répondit pas. « Mais entrez donc !» reprit Jacques. Elle mit la main sur le bouton de la porte et hésita. Ce qu'elle avait fait lui paraissait moins simple. « Si pourtant mon mari m'avait suivi, pensait-elle, s'il croyait que... » La porte s'ouvrit tout à coup, Jacques parut, et sans montrer émotion ni surprise. « Vous vous êtes trompée, sans doute, madame ?»« Non, c'est bien chez vous que je venais, puisque vous n'avez pas voulu venir chez moi. » Il hésita une seconde, puis s'effaçant. « Entrez, » dit-il froidement. Elle se laissa tomber. Plutôt qu'elle ne s'assit sur un divan, accablé moins par la fatigue de la rapide ascension que par la dureté impitoyable de cet accueil. Lui resta debout, le dos appuyé contre le chambranle de la porte, les bras croisés sur la poitrine. « Oserais-je vous demander ce qui vaut à mon atelier l'honneur de votre visite, madame ? Vous m'appeliez André autrefois. Il y a si longtemps que je ne m'en souviens plus. Vous êtes dur, soit. Eh bien, monsieur, je viens pour vous dire... Jacques, si vous saviez comme je suis malheureuse... Malheureuse ? Et de quoi, grand Dieu ? N'avez-vous pas tout ce que vous souhaitiez ? De la fortune, un titre ? En vérité, je ne vois pas ce qui pourrait vous manquer. Il me manque votre amitié, Jacques. Votre amitié que j'ai eu le tort, la folie de ne pas apprécier assez jadis, et que je regrette aujourd'hui, car il me semble qu'elle était le seul bien véritable que j'eusse. Je vous le demande humblement. Ne voulez-vous pas me la rendre, dites ? Elle parlait d'une voix mouillée de larmes, brisée, et ébauchée en joignant les mains un geste de supplication. Mais la sincérité de ses douleurs ne le toucha point, et c'est d'une voix âpre, où vibraient toutes ses souffrances, toutes ses colères anciennes, qu'il répondit « Vous osez parler encore d'amitié ? Vous vous ennuyez donc bien pour venir me proposer de reprendre ce commerce malhonnête, où vos dupes doivent tout mettre, le meilleur de leur intelligence et de leur cœur, jusqu'à leur vie même, sans que vous y ayez jamais mis autre chose que votre désœuvrement ou votre coquetterie. Cela occupe, n'est-ce pas ? Jeune fille ou mariée à Paris ou au Charmy, c'est un jeu charmant. Tant pis pour qu'il prend au sérieux. Il n'y a qu'un malheur, madame, c'est que je ne suis plus disposé à faire votre partie aujourd'hui. » « Ah, que vous me plaisez ainsi, » dit-elle. « Parlez, accablez-moi. Je ne me défends pas. J'aime avoir brillé cette colère dans vos yeux. Elle leur donne un éclat qui m'effraie et qui me charme. Jacques, que ne vous êtes-vous montré tel autrefois que je vous vois aujourd'hui, plein de génie, beau comme un jeune dieu ? Je n'aurais pas attendu si longtemps pour vous aimer comme je vous aime. » Elle dit ces mots très lentement et très bas, mais sa voix profonde donnait à ce murmure caressant qui sortait de sa bouche une ardeur brûlante de passion. L'étrange femme s'est élevée et la tête renversée un peu en arrière, les paupières mi-closes, les lèvres serrées, les ailes mobiles de son nez droit, toutes frémissantes, elle marchait vers lui, la poitrine en avant, les bras pendants, les mains ouvertes et un peu écartées du corps, comme les statues de saintes qu'on voit sur les autels. Et quand elle fut auprès de lui, « Mais prends-moi donc, » dit-elle, « tu ne vois donc pas que je suis à toi ?» Alors quelque chose comme un éblouissement passa devant les yeux de Jacques. Toute sa jeunesse chaste lui monta au cerveau, ainsi que les fumées d'un vin capiteux. Brusquement, ses deux bras l'enveloppèrent d'une étreinte puissante. Avec la force d'un lion, il l'enleva de terre, il l'emporta comme une proie. Elle se laissait aller à demi pâmée et souriait de son sourire mystérieux. Il la déposa avec des précautions infinies, une douceur d'athlète qui craint de briser quelque chose de fragile, sur le divan qu'elle venait de quitter. Puis, reculant d'un pas, il la couva d'un regard et dit « Comme tu es belle !»« Est-ce que tu vas faire mon portrait ? » demanda-t-elle avec sa voix câline. Jacques tressaillit et son visage soudainement pâli n'exprima plus qu'une sorte d'égarement. « Ton portrait ? Mais il a fait ton portrait !» Et saisissant dans un coin une toile roulée, il la déploya en criant. « Regarde bien. Vois-tu cette balafre ? C'est mon épée qui l'a faite. Vois-tu cette tache rouge ? C'est du sang de Henri. Va-t'en, misérable !» Elle recula vers la porte, épouvantée. Quand elle eut soulevé la portière et qu'elle se trouva dans l'antichambre, elle entendit le bruit sourd que fait un corps en s'abattant à terre. Alors elle se mit à fuir, en proie à une terreur folle. Arrivée au bas de l'escalier, elle se précipita dans la loge du concierge. « Montez vite au cinquième, » dit-elle. « Il y a quelqu'un qui se meurt. »